de mãe que é o Upala. Eu sou ela, o fé bagage. La vie aussi changé, langage. Mais dis-moi, y'a pas vrai. Y'a pas vrai. Mais tu es en moi tellement fragile. Oh, je savais un peu que j'avais tranquille. Et là, c'est l'air grand voyage. Nous savons nous faire tourner en page. Mais dis-moi, y'a pas vrai. Y'a pas vrai. Hey. Yo, dis-moi, ce qui est plus mauvais. En paquet. Mais je ne vois pas vous qui plus mauvais. Qui plus mauvais. Mais dis-moi, y'a pas vrai. Y'a pas vrai. En déjà bien fois tout couler. Monter, descendre sans jamais poser. Ou déjà bien menti pour moi. Ou t'es volé, t'es vrai. Tendresse. Et dis-moi, y'a pas vrai. Y'a pas vrai. Y'a pas vrai. Y'a pas vrai. Sans lit ou maudit. Ou laissez partir. Sans lit ou maudit. Ou laissez partir. Mais dis-moi, y'a pas vrai. Mais dis-moi, y'a pas vrai. Mais dis-moi, y'a pas vrai. Mais dis-moi, y'a pas vrai. En tant qu'à dormir en douleur, ou lever en misère. En low power, ou bien faire wall, non, ça pas tes doigts. Mais dis-moi, y'a pas vrai.